Sable sur ses yeux, la bénédiction des cieux. Elle s'adore par la fenêtre à sa chambre à rejeter les lettres. Sur sa blanche comme un baiser, viens jusqu'à l'aube te poser. Et que sa pensée à l'oreille de l'astre d'amour qui se lève.